Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Nous sommes le vendredi 26 février 2016. Bonjour tout le monde. Et si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse de la semaine, Pauline Rossi, docteur en histoire de l'art, spécialiste de l'architecture, de l'urbanisme et du patrimoine parisien. Depuis lundi, elle nous raconte l'histoire des grands projets pour Paris. Dans un instant, le dernier épisode. En deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Et cette fois, loin de Paris, on évoquera la Russie rurale de l'époque des tsars, en compagnie de Martin Véron, qui adapte une nouvelle de Tolstoï, « Ce qu'il faut de terre à l'homme », et c'est publié chez Dargo. Bon réveil, merci de votre fidélité, un autre Paris est possible, c'est parti. Les Paris du Grand Paris avec Pauline Rossi, enseignante au département art de Valenciennes. Vous avez soutenu, bonjour Pauline Rossi. Bonjour. Vous avez soutenu, je le rappelle, une thèse intitulée L'Est parisien, jeunesse d'une reconquête. Et depuis lundi, on parle des Paris du Grand Paris à partir d'ailleurs du début du XXe siècle. Je précise que vous êtes aussi co-auteur avec Simon Texier de l'ouvrage Les Lesages, un siècle d'architecture et d'aménagement de Paris au Grand Paris. Alors aujourd'hui, le nouveau Grand Paris, comment il se dessine ? Alors, il se dessine dans les coulisses des instances décisionnelles, déjà. Il se dessine ensuite auprès de l'agence du Grand Paris qui, là, rassemble les têtes chercheuses concrètes sur l'architecture et l'urbanisme du Grand Paris de demain. Et la projection, c'est quoi ? C'est intégrer les banlieues les plus proches de Paris dans Paris. Alors, je pense que ce serait, à mon avis, relativement utopiste de se dire que du point de vue du paysage, on arrive à homogénéiser Paris et la banlieue. Il y a déjà cette saignée du boulevard périphérique qui, de toute manière, est une césure dans la continuité urbaine. Après, ce qu'on peut essayer de concevoir, c'est véritablement de s'interroger sur la richesse paysagère de Paris et essayer de la voir se prolonger dans le Grand Paris. Et intégrer l'histoire du Grand Paris à l'histoire de Paris, c'est là aussi un des grands enjeux que se sont fixés aussi les historiens, puisqu'il y a un cycle de colloques internationaux qui ont été mis en place à partir de l'année 2013, Inventer le Grand Paris, dont les actes vont être publiés en ligne incessamment sous peu. Et là encore, ça a été l'occasion d'interroger la naissance du Grand Paris, mais d'un point de vue historique, pour justement essayer de dépasser les enjeux politiques et de se demander quel corps on peut lui trouver à travers son histoire et pourquoi pas à travers son architecture et son patrimoine urbain. Alors vous qui êtes jeune historien, Rien de l'art, Pauline Rossi, vous qui avez beaucoup travaillé sur le faubourg parisien et l'Est parisien, s'il fallait vous poser la question à vous, comment vous l'imaginez le Grand Paris ? Dans l'idéal, bien sûr. Dans l'idéal. Comme un prolongement faubourien. Voilà. C'est effectivement, avec cette dichotomie que les faubourgs arrivent particulièrement bien à gérer, c'est-à-dire une charge mémorielle forte, mais à côté de ça, une adaptation à la vie contemporaine qui perdure tout le temps. Voilà, ce serait un magnifique beau Paris que d'avoir un grand Paris de faubourg. Mais je pense que là, effectivement, ne serait-ce que dans des termes de densité urbaine, c'est déjà presque un rêve dépassé, puisque de toute manière, le Grand Paris a une densité qui fait presque penser au centre de Paris. Donc c'est, voilà, c'est un rêve difficilement accessible. Mais en tout cas, voilà, un Grand Paris qui aurait à la fois une identité, puisque c'est ça qu'il est important de souligner, c'est qu'une entité urbaine, c'est aussi une histoire et un imaginaire collectif, tel l'imaginaire collectif de l'Est parisien qui s'est petit à petit créé entre 1870 et 1880. Il faut que le Grand Paris arrive à trouver son identité propre. Et ça, que ce soit d'un point de vue patrimonial, architectural, urbain ou sociologique, mais là, c'est pas mon domaine de compétence, voire politique, mais là non plus, c'est pas mon domaine de compétence. Donc pour moi, pour ma part, ce serait déjà que le Grand Paris arrive à se définir comme une entité territoriale au sens le plus complet du terme. Alors restons dans cette image que vous faites, Pauline Rossi, pour mieux la partager. Qu'est-ce qu'il faudrait effacer du Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui et qu'est-ce que vous imaginez à la place ? Je n'efface rien. Et pourtant, les grands ensembles, tout le monde voudrait les voir disparaître. On dynamite les tours, on imagine que ces terrains vont être propices à d'autres habitations, plus conformes à notre mode de vie d'aujourd'hui, à nos préoccupations d'aujourd'hui. Par exemple, rien que pour ça, est-ce que vous êtes d'accord ? Non, j'adopte un peu la posture de l'architecte Paul Chemetov, en me disant que chaque réalisation architecturale a un intérêt, traduit une période, et en plus avec la casquette d'historienne qui est la mienne, il est toujours douloureux de voir disparaître une part de l'histoire de l'architecture ou de l'urbanisme. Les grands ensembles ont leur intérêt. Laissons déjà le temps de la recherche se faire. Effectivement, la plupart sont en train de faire peau neuve avec les politiques urbaines de l'ANRU qui ont été mises en place dans les années 2000. Et heureusement, parce qu'effectivement, il y a des immeubles qu'il faut rénover. C'est souvent des constructions qui ont été réalisées dans l'urgence avec des matériaux d'urgence et des financements d'urgence. Aujourd'hui, les matériaux, dans certains, posent des vrais problèmes pour la santé publique. Effectivement. Et ça, je ne veux pas du tout avoir une image angélique de la situation, loin de là. À côté de ça, il faut de toute manière permettre à la recherche de se faire et s'interroger de façon dépassionnée. C'est-à-dire qu'on ne condamne pas un immeuble par un délit, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de sale gueule. C'est-à-dire que on ne peut pas mener une politique urbaine sous le simple prétexte d'un esthétisme ou d'une représentation sociale qu'on ne voudrait pas. Ce n'est pas l'urbanisme qui crée les hommes, ce sont les hommes qui s'accaparent l'urbanisme et qui en font ce qu'ils en font. On ne peut pas toujours rejeter la pierre sur la pierre. Et il faut aussi arriver à se poser les questions de façon dépassionnée. Et je pense que là, ce serait déjà un bon morceau de bravoure. Mais déjà, il faut que les recherches historiques puissent se faire de façon scientifique. Et l'urbanisation du Grand Paris, comment vous la voyez à une période où les gens rêvent d'un retour à la terre, de pouvoir consommer ce qu'ils produisent pas très loin de chez eux? Et ça fait partie un peu de l'histoire cyclique du Grand Paris, c'est-à-dire que très souvent ça revient. On a mené la politique des cités-jardins dans les années 1930, déjà sous ce prétexte. On a ensuite prôné le collectivisme et l'habitat collectif à tous azimuts. La banlieue et le Grand Paris ont servi à ça, et aujourd'hui, pourquoi pas effectivement repenser des cités-jardins. À côté de ça, ce qu'il est difficile de d'imaginer, c'est que cette ville et ce retour à la terre va forcément supposer une extension urbaine plus importante. Plus les gens habitent en petits collectifs ou en maisons individuelles, et plus le Grand Paris va être grand, et plus les dépassements pour regagner le centre seraient grands. Donc il va falloir. Ah non, parce que l'idée, c'est se débarrasser aussi de la pollution des voitures. Effectivement, et c'est là que le bas blesse, si j'ose dire, c'est qu'il faut forcément penser aussi les réseaux de transport. Et c'est d'ailleurs un des premiers grands chantiers qui a été rouvert sur le Grand Paris. Ce sont bien sûr les transports en commun. De ce côté-là, on avance plutôt dans le bon sens. Hein. Oui. Depuis quelques années, on peut ne pas prendre la voiture. Il y a suffisamment de transports publics. Les Parisiens se sont mis au vélo et à la marche à pied d'une manière volontariste. Une fois de plus, vous qui parlez de cette urbanisation volontariste pour la reconquête de Paris d'après-guerre, on a la même dynamique aujourd'hui aussi. aussi pour changer Paris et s'adapter aux nouvelles exigences. La même dynamique, et alors ce qui est assez étrange, et là c'est un phénomène que j'avais pas forcément vu venir avant les toutes fins de la thèse, c'est-à-dire que les mêmes contextes reconduisent les mêmes situations. Et donc, encore une fois, c'est les transports qui ont eu la priorité dans le dessin du Grand Paris. Mais je repense à chaque fois à l'inauguration de la station Porte de Vincennes. Ça a été un phénomène dingue. On avait l'impression d'arriver en race campagne quand on descendait à Château de Vincennes. Donc aujourd'hui, on trace les transports en commun très bien. Mais au-delà de ça, ce qui me toucherait encore plus, et ce qui, je pense, est véritablement nécessaire, c'est de construire une identité véritablement. Si on trace des réseaux urbains, mais qu'on ne réfléchit pas à l'identité paysagère et l'identité, l'imaginaire du Grand Paris, on n'arrivera pas à créer une entité territoriale. Merci beaucoup, Pauline Rossi. L'intégralité de cette série, Les Paris du Grand Paris, sont à retrouver sur franceculture.fr, à la page de l'émission Notre jour est possible. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et je rappelle juste le titre de votre passionnant ouvrage, co-signé avec Simon Texier, Un siècle d'architecture et d'aménagement autour des Lesages, donc de cette saga d'architectes des trois générations, et c'est bien sûr pour parler de Paris au Grand Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, monsieur, le quartier se transforme. Moi qui vous parle, j'en ai vu des changements. Avant, la clientèle, c'était des gens de tous les jours. Maintenant, il y a des étrangers. Hier soir, on a eu un grand-duc. Un grand-duc? Oui. Attention, vous allez noyer votre absinthe. Merci. Il a commandé du champagne. On n'en avait pas. Il a bu de la verte comme tout le monde. Il m'a laissé un louis de pourboire. Il y a que la reine blanche qui change pas. Thérèse! Oh, maître! Garçon! Monsieur? Merci, monsieur. Hier soir, qui c'était? C'est pas encore celui-là qui va me payer un petit intérieur renaissance. Il m'a payé un boc et je suis en train de coucher. Bonjour Henriette. Bonjour les petites. Bonjour Henriette, tu reviens du marché? Qu'est-ce que t'as là-dedans? De la blanquette de veau. Mon ami a l'estomac délicat. Il mange que de la viande blanche. Quand je pense qu'il y a 6 mois, elle trimballait encore les paniers avec lui. Oh, il y en a qui s'en est coiffé. Elle le mérite. Avant de se laisser bousculer, elle avait pris ses renseignements. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Martin Véron. Bonjour. Diriez-vous qu'un autre Paris est possible? Vous qui êtes parisien de longue date. Bien sûr, un autre Paris est possible, il sera même sûr. Et comment vous l'imaginez? Je l'aimerais mieux qu'aujourd'hui. Et c'est-à-dire encore mieux qu'hier. Je l'aimerais sans voiture polluante. J'aimerais que les jours où il fait beau, on se réjouisse qu'il fasse beau et pas qu'on se dise qu'on étouffe. Un conte philosophique dans la Russie rurale des tsars, loin justement des voitures. Ce qu'il faut de terre à l'homme, c'est une nouvelle de Tolstoï que vous venez d'adapter en bande dessinée. et c'est édité chez Dargaud. Alors, ravi de vous retrouver d'abord, Martin Véro. Merci. Surtout pour parler de bande dessinée. Je pensais que les dessins d'actualité pour Le Point accaparaient désormais tout votre temps, mais non, et c'est tant mieux. Oui, si j'étais un peu absent, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire celui-là. Et oui, ça s'est fait un peu par une espèce de concours de circonstances dans mes circonvolutions cérébrales, parce que j'étais en train de travailler justement sur le problème de la bagnole, le problème de l'industrialisation, du productivisme, enfin de tous ces empoisonnements sociétaux. Et puis j'arrivais pas, parce que je ne sortais que des évidences, donc des planches pas très drôles, un peu donneuses de leçons et bêtement démonstratives, ce que tout le monde sait déjà. Et je me disais, j'y arrive pas, le problème est trop écrasant. Et je me suis souvenu, en cherchant un angle d'attaque qui me permettrait de synthétiser une pensée un peu effective, d'une nouvelle que j'avais lue quand j'étais petit, dont je connaissais la dernière phrase, je me souvenais de la dernière phrase, je l'ai tapée sur Google, je suis arrivé sur cette nouvelle. C'est là où j'ai appris qu'elle était Tolstoï, alors que je crois que c'était juste un conte russe anonyme. Et puis je me suis dit que j'avais tout dans cette nouvelle et je n'avais plus qu'à l'adapter. Quand vous dites « j'avais tout dans cette nouvelle », vous voulez dire quoi, Martin Véron ? Tout ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire sur le ce qu'on prend pour un progrès n'est qu'un effet d'exagération. Moi je suis absolument pour le progrès, je trouve ça merveilleux tant que ça nous libère. Si ça nous aliène ou ça nous empoisonne, j'appelle ça une malédiction. Alors, le héros de cette nouvelle de Tolstoï, ce qu'il faut de terre à l'homme, est un paysan modeste. Il n'est pas, c'est pas le mauvais personnage, hein, même s'il va être pris par la machine du rendement, du productivisme, tout ça. Au départ, c'est quelqu'un qu'on aime bien, pour qui on a beaucoup de sympathie, et qui va petit à petit être happé par une logique. Et ce qui est tout à fait étonnant quand on lit cette histoire, c'est que vous avez de l'empathie pour ce personnage, y compris quand il fait des choix dont on devine, à juste titre, qu'ils vont être désastreux pour lui, pour sa famille, pour ses voisins. Oui, oui, c'est une griserie. Au lieu de se contenter de vivre parce qu'on a de quoi subsister, arrive comme une manière de jeu le fait de... pas de s'agrandir, de s'agrandir encore, parce que c'est possible, de pouvoir, comme on a grandi, on a besoin de bras, et donc se servir de la main d'œuvre, même en leur tendant un peu le bras. Et il y a une espèce de compétition qui se fait avec les voisins, exactement comme dans la société aujourd'hui. Et ça va au-delà, naturellement, des besoins. Et jusqu'à... ça finit toujours mal, fatalement. Mais de retrouver cet exemple d'un capitalisme forcené dans la Russie de Tolstoï, dans la Russie des Moujiks, c'est plutôt original. Oui, parce que c'est pas là où on attend forcément, on attend ça dans les plaines du Far West, ailleurs, mais c'est exactement le même processus. C'est Homo sapiens, qui a un cerveau très très bien fait, mais qui pousse toujours la logique à son contraire. C'est-à-dire que pouvoir effectivement se nourrir, c'est bien. Mais se gaver, c'est idiot. Comment vous avez travaillé à l'adaptation de cette nouvelle de Tolstoï, Martin Véron ? Ah, je sais pas très bien comment ça s'est fait d'une façon extrêmement, extrêmement naturelle, et j'avais tellement ramé sur les planches où je voulais démontrer moi-même que là, Tolstoï en fait survolait les premiers chapitres. Moi, j'ai développé ça, les relations entre les villages, qui m'a donné l'occasion d'établir un peu une petite comédie imaginaire entre des villages naturellement dont je connais mal les mœurs, quoique j'ai lu pas mal de nouvelles de Tolstoï sur le sujet. Donc j'étais un peu nourri par d'autres nouvelles. Et ça s'est passé assez naturellement. Puis comme la fin est tellement sublime, tout ça s'articule autour de cette montée dramatique. Et pour tout ce qui est décor, pour ces plaines, pour ce ciel, pour ces maisons, pour ces costumes, comment avez-vous travaillé, Martin Véron ? Oh, bah là encore, c'était assez succinct, parce que j'avais comme... vous savez, on met une toque sur la tête, une barbe, une grande chemise serrée à la ceinture, des pantalons un peu bouffants, puis des bottes molles, et on a un russe. Et après, pour les paysages, on fait une courbe à l'horizon et puis quelques... Mais des clôtures, il faut mettre des clôtures partout, parce que dans les villages russes, il y a des clôtures dans tous les sens. Mais comme c'est une histoire qui va traverser des saisons, est-ce que vous avez fait tout un travail de recherche? Est-ce que vous avez décidé de vous rendre sur place dans un village russe pour retrouver cette atmosphère qu'il y avait dans la nouvelle de Tolstoï, ou vous êtes contenté d'Internet pour avoir des aperçus de décors et de laisser votre imagination faire le reste? La Russie, c'est un peu comme chez nous, mais en plus grand. C'est-à-dire? Sinon, il y a toujours les mêmes chemins creux, les mêmes grandes routes, mais c'est... Il y a les villages et puis les grandes étendues. Et ça, c'est et vous mettez au milieu un petit clocheton orthodoxe et ça fait la farce. Et beaucoup de rondins. Parce que toutes les maisons, c'est du rondin, plus de béton, du rondin. Et vous saviez dès le début comment vous allez traiter graphiquement cette adaptation, Martin Véron? Comment vous êtes arrivé? Parce que c'est... Oh ben je savais que le changement de décor et d'époque allait déjà créer un folklore qu'il fallait rehausser un petit peu, et c'est et moi j'étais tellement content de façon de changer de mes habitudes de dessiner des voitures, des rues, des bistrots, des bureaux, et quand il a agi de faire des champs clôturés, comme je disais, mais avec des vaches, des chevaux, des cochons, là j'étais très content. La clôture est très importante dans ce conte, dans cette fable, dans cette bande dessinée, du coup, Martin Véron. Oui, parce qu'elle devient symbolique de la propriété, c'est justement le nœud de l'histoire, c'est la propriété, comment s'approprier davantage. C'est pour ça que vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de traits pour entourer vos cases, vos histoires? Oui, c'était pas, mais effectivement, on peut faire une analogie, j'ai pas pensé. Mais c'est, non, j'ai trouvé que ça respirait davantage, que c'était plus trop, et effectivement, pas de bordure aux vignettes, ça fait circuler la lumière. Alors, puisqu'on parle de la lumière, et il y a un vrai travail qui a été fait sur la couleur, signé par Charles Véron. Je suppose que c'est mon fils. C'est votre fils. C'est mon fils. Donc vous avez beaucoup travaillé sur ces couleurs des saisons dans ce village russe. Et mon fils vit à Londres. C'est un artiste lui-même, et je lui ai confié les couleurs en disant: tu lis l'histoire, tu vois où je veux en venir. Traite ça comme ça doit être. Et c'est lui qui a inventé toutes ces lumières, ces couleurs. Et il a fait ça admirablement. Ouais. Et sans directive de votre part? Aucune. Sinon, peut-être vous lui avez conseillé de voir un peu à quoi ça pouvait ressembler un village russe, ou de lire comme vous l'avez fait. La nouvelle de Tolstoï. Comme c'est un homme curieux, il était allé regarder. Mais justement, il a cherché à ne pas trop collé au conte russe, que ça fasse pas livre pour enfants, que ça ne soit pas non plus trop réaliste, que ce soit une espèce une ambiance. Il arrivait à faire des clairs obscurs qui perdaient un petit peu le dessin, mais ça donnait une ambiance très excellente. Et moi, j'étais très fier de son travail. Et ça donne effectivement un très beau livre. Une bonne surprise, je rappelle, Martin Véron, parce que moi je pensais qu'effectivement l'actualité accaparait tout votre temps. Comment vous avez fait? Comment vous gérez votre temps aujourd'hui, Martin Véron? Oh, je cherche très agréablement depuis le début de ma carrière. C'est-à-dire, j'ai jamais été un forcené du travail. Donc, quand on commande, j'honore mes commandes. Mais sinon, généralement, je fais de la bande dessinée quand j'en ai le pressant besoin. Alors, ça peut être une histoire d'argent, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très accro à ça. Et, donc, quand j'ai des envies, je les assouvis. Et par exemple, vous vivez toujours avec Bernard Lhermitte, ou pour vous, c'est du passé? Oh, c'est du passé depuis longtemps, oui. Ouais, c'est fini? À jamais. Oui, oui. Et de reprendre un héros récurrent, pour vous aussi, c'est fini, Martin Véron, ou... Oh, à part Bernard Lhermitte, j'en ai jamais eu. Et pour moi, Bernard Lhermitte, c'était de l'ironie, parce que au moment où j'ai commencé, la bande dessinée adulte n'existait pas vraiment. Et moi, je me moquais un peu des héros de BD récurrents pour les enfants. Et j'en faisais un pour les adultes, pour les faire marrer. Mais sauf que mon héros, lui, il savait rien faire. Il avait pas de métier. Il était pas capable de terrasser les méchants. C'était juste un clin d'œil. Juste une parenthèse, vous voulez dire, dans votre carrière? Oui, oui, c'était le début, oui, oui. Merci, Martin Véron, d'être passé ce matin. Je rappelle que votre adaptation de ce conte de Tolstoï, qui tombe fort à propos, vous avez fait de surligner même ce qu'il faut de Terre à l'homme est édité chez Dargaud. Vous restez avec nous pour le questionnaire d'un autre jour. Alors, trois questions. Vous avez déjà ouvert votre première question. Oui. Alors ? La question, c'est qu'est-ce qu'un réveil joyeux ? Ah tiens, vous êtes plutôt lève-tôt ou... Je suis très lève-tôt, oui, j'ai cette chance. Et j'arrive à me lever de façon assez joyeuse. Parce que j'ai encore la chance de ne pas avoir mal quelque part. Et puis que je pense aux choses agréables qui m'attendent dans la journée. Et puis généralement, j'ai faim, donc j'ai envie de mon petit déjeuner. En tout cas, je peux effectivement confirmer que vous êtes très joyeux ce matin, Martin Véron. C'est un plaisir. Deuxième question. Quels sont les romans que vous avez lus plus d'une fois ? Eh bien, pas des romans, mais des nouvelles. S'il y a un roman de Tolstoï, justement, La mort d'Ivan Illich, que j'avais lu à 20 ans, que j'ai relu. Qu'est-ce que c'est bien ? Ainsi qu'une nouvelle qui est bien connue, c'est la Sonate à Kreutzer, que j'ai relu. Et lire des choses à 30 ans d'intervalle, c'est un plaisir indicible. Qu'est-ce que vous a donné cette envie de lire Tolstoï ? Mais parce que j'ai découvert cette nouvelle et que, comme je vous disais, je ne savais pas qu'était Tolstoï. Et puis je me suis rendu compte que je connaissais très très peu Tolstoï. Donc j'ai lu toutes ces nouvelles parce que c'était assez rapide à faire. Et pendant que je faisais cet album, je me suis fait des guerres et paix, ce qui n'est pas rien. Ouais. Et là, je vais attaquer Anna Karenine. J'ai fait Résurrection aussi, qui est le moins connu de ces trois gros des livres. Et Résurrection, c'est un chef-d'œuvre méconnu. Très bien. Troisième et dernière question. Comment choisissez-vous les livres que vous lisez ? Eh bien voilà, c'est ça, c'est les hasards d'existence qui vous font vous intéresser à un auteur. Alors quand l'auteur m'intéresse beaucoup, j'ai tendance à aller chercher ses autres livres. Et généralement, ces fameux hasards sont dictés par des amis qui me disent « As-tu lu ça ?» et je fonce naturellement. Plutôt des amis que les journaux, la radio, la télévision. J'ai cessé de croire à ce que disaient les journaux. Bon, merci. Ou à la radio. Si j'entends un auteur qui effectivement me paraît sympathique et dit des choses. Et France Culture est vachement bien pour ça. Si, je fais un peu le jus là, mais c'est vrai. Allez, vous allez faire le générique de fin. Merci d'être passé, Martin Véron. Merci. Alors, c'était un autre jour et possible. Une émission de Toufik Hakem, préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. Émission réalisée par Thomas Duterre, avec ce matin à la technique Clément Daté. Pour le podcast, la réécoute en ligne, rendez-vous à la page de l'émission, disponible sur franceculture.fr. Et en plus, on peut découvrir le dessin que vous nous avez très gentiment fait, spécialement pour l'émission Martin Véron, en passant justement par la page de l'émission. Bonne matinée, bon week-end, à lundi.